armonía, se escucha un tambor, llega la melodía. billets. J'ai trop mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Je suis venu régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu, on n'est pas du genre à se faire menacer. Margarita, kale duka ni waya. Vile unazitoka bebe, nanifanya nataka kucheza na vile utoke kilini daily. Taka sasa nitoke na weekendi. Tunya kasoda, we'll be right back. Thank you. que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian.

trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know. Trouble with God. Ooh, Lord, trouble so hard.